Salut à tous, ça y est, c'est reparti, c'est le retour de l'émission sur www.synthsaver.com. L'émission, c'est votre musique, car vous nous envoyez vos bandes démos et nous vous les diffusons pour vous faire connaître. Avec moi aujourd'hui, Fabien. Salut à tous. Et exceptionnellement, il nous fait l'honneur de sa présence, Christophe. Bien le bonjour. Comment ça va, Christophe? Oh, ça va plutôt bien. Qu'est-ce que tu fais par là aujourd'hui? Il y avait de la lumière à la fenêtre, alors je suis rentré. Eh ben écoute, franchement, t'as bien fait. Au programme, Fabien, qu'est-ce que nous avons? Au programme sur www.synthsaver.com. Après 2 mois d'absence, eh ben on a que du bon à vous faire découvrir, comme Echoes Diaries, comme One Plus One, comme Fred Alpi, aussi Scanvox et Time Bomb. Mais surtout, une interview, l'interview de Mélatonine. On va commencer par contre à vous faire découvrir un nouveau groupe, Echoes Diaries, donc je le disais, avec un nouveau titre, Broken Wings. Oh, Sammy, j'écoute l'émission sur Synthsaver.com, je comprends les vidéos. My life is good. I know it's good. I've done all I could and all I achieve is this pain. I know it's good. My life is good. You've come a long way to die tonight. But those broken wings make a lonely sight. You've come a to die, and all because you thought you'd end. My life is good. I've done all that I could, and all I achieved. Die tonight. Alors Christophe, qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter sur le groupe Echos Diaries, hein? Alors, Echos du grec écho, hein, déjà. Bon, il faut savoir que dès 92, il a commencé sur son Amiga. Hein. Ah. Il jouait pas Pac-Man, lui. Hein. Il commençait déjà en tant que tracker. Je jouais pas Pac-Man, moi, sur mon Atari. Ouais, mais bon, hein, je ne me permettrai pas de continuer. Bon, faut savoir qu'en 96, il a écrit ses premières compos. 97, eh, premier concert privé quand même, le gars. Ah oh ouais, pas mal, hein, quand même. Bon. Bon, faut savoir où aussi, un concert privé. Hein. Ouais, bon, après plusieurs années infructueuses, il s'implique quand même dans la promotion de sa musique grâce à un label britannique. Et puis, bah, ma foi, on lui souhaite bonne chance parce que ce garçon a du talent. Et puis, à mon avis, il pourrait bien faire parler de lui incessamment sous peu. On change tout de suite de style de musique en vous faisant découvrir Fred Alpi. Fred Alpi qui se décrit lui-même comme un poétique rocker. C'est un groupe qui joue surtout de la musique côté punk rock. Vous allez pouvoir découvrir Fred Alpi beaucoup plus dans la prochaine émission www.synthesaver.com puisque vous aurez une interview et que vous pourrez gagner son album. Le téléphone sonne, il est 2h du matin. De ta voix qui frissonne, tu me murmures à cause de la pleine lune. T'as peur, t'as froid, t'as faim, et encore sans rancune. Comme chaque fois je viens à ta porte, je sonne. Il est 3h du matin. Je sais mieux que personne. Écoutez ton baratin, voici la scène des larmes où tu viens inonder avec tellement de charme mes petits bras musclés. Je serai ton grand frère et ton père et ta mère. Je traverserai la ville pour écouter tes misères. Je serai ton psychotrope et ton neuroleptique. Je serai là quand tu veux. Je serai là quand tu veux. J'entends une cloche qui sonne. Il est 5h du matin. Dans ma tête résonne tes secrets clandestins. Blottis entre mes bras, ma petite princesse, tu dors comme un boa, et moi je pense à tes fesses. Le sommeil m'assomme, il est 6h du matin. Dans un rêve sans condomme, je te culbute enfin. Mon imagination peint 10 000 tableaux. J'écris mon prénom en grimpant au rideau. Je serai ton grand frère et ton père et ta mère. Je traverserai la ville pour percer tes mystères. Je serai ton psychotrope et ton anxiolytique. Je serai là quand tu veux. C'est le réveil qui sonne. Il est 7h du matin. Dans tes yeux de polissonne, je me sens un peu crétin. Tu me dis dans un sourire que je suis mieux qu'un amant. Moi je t'aide à dormir et à rêver du prince charmant. À ma porte je sonne, il est 8h du matin. Tout à coup je soupçonne que tu voulais des câlins. Je comprends mais trop tard, ton message caché. Si t'as besoin de rien, tu penseras à m'appeler. Je sens ton grand frère et ton père et ta mère. Je traverserai la ville pour une autre nuit de galère. Je serai ton psychotrope et ton anéantisseur. Moi, j'écoute l'émission sur sinister.com. Pascal Vincent de Vincent & Co. et vous nous écoutez sur sunseaver.com. Youhou! Salut, moi c'est Homer. J'écoute l'émission sur sunseaver.com. On vient de vous faire découvrir sur www.sinsaver.com One Plus One avec un titre qui était Fan and Étrange. Des infos, Christophe, sur oui. One Plus One? Oui, je suis là, oui. Alors, One Plus One, c'est qui? C'est Déborah et Marc-André qui ont commencé en 98 avec un groupe Kérosène aux sonorités très anglaises, comme on peut encore l'entendre aujourd'hui. Puis le groupe s'est séparé. Ils ont reformé un nouveau groupe entre-temps. Malheureusement, nouvelle séparation. C'est compliqué comme histoire là, ouais, pour l'instant. C'est compliqué, on croit Hélène et les garçons, t'as vu un peu. N'empêche que leur duo a poursuivi, seul, dans un esprit très acoustique. Et aujourd'hui, ils vont peut-être aller plus loin avec l'aide d'un certain Jimmy O'Neill des Silencers. Ah, quand même. Bon, on va quand même les aider un petit coup. Ils recherchent un manager ainsi qu'un contrat auprès d'un éditeur, voire une maison de disques. Voilà, pour promouvoir leur album. Exactement. Qu'as-tu ensuite à nous dire, monsieur Fabien? Eh ben, maintenant, on va parler de Mélatonine, qui, pour l'occasion de la sortie de leur nouvel album, nous a accordé une interview. Interview au milieu de laquelle vous allez pouvoir découvrir deux titres de Mélatonine. Le premier, c'est Ginkgo, et le deuxième, c'est Neriyakan. Tout un programme. Tout un programme. Tout de suite, interview Mélatonine. Sinsaver.com, c'est votre musique. Thank you. Salut! Alors, présente-nous Mélatonine! Alexandre à la batterie, Mathieu à la guitare et Nicolas à la basse. Et quelles sont vos influences? Je dirais que c'est du rock instrumental. Disons qu'on est assez influencé d'un côté par du rock assez calme, comme Mogwai par exemple, et d'un autre côté par. Des groupes un peu plus, disons, bruyants, comme Sonic Youth. Quelle est votre actualité? On a un CD 4 titres, enfin c'était plutôt une démo qui est sortie au début de l'année dernière, et puis là, cette année, on a un album qui sort. 10 titres, mois de mars. Et des concerts? Ben, les concerts, on en a déjà fait une bonne dizaine quand même, non, quelque chose comme ça, et puis là, on en a plusieurs prévus au mois de mars, avril, pour la sortie de l'album. J'ai vu sur votre site un concert à Liège. Oui, c'est ça, un concert à Liège, oui, le 10 mars, en première partie de Patton. Vous avez des projets? On a l'intention d'enregistrer un deuxième album avant la fin de l'année. Les morceaux sont déjà là, il ne reste plus qu'à trouver là, du temps et des moyens pour l'enregistrer. Sinon, on espère faire d'autres concerts un petit peu partout, le plus possible. Quel procédé utilisez-vous pour vous faire connaître? Donc pour nous faire connaître, d'abord on a un site internet, l'adresse c'est www.melatonine.fr.st et puis on fait quand même des concerts, ce qui est quand même le meilleur moyen de se faire connaître pour un groupe comme nous. Et puis Alex, t'avais autre chose à dire? Un peu d'affichage sur Metz, grâce à Georges. Georges, remercions Georges, entre 2,75 qui prend le temps de nous aider un petit peu. Donc merci à Georges encore une fois. Et pour terminer, que pensez-vous de l'émission? C'est très intéressant parce que ça permet au groupe de se faire connaître auprès du public, mais aussi pour les auditeurs qui peuvent découvrir des groupes qui n'auraient certainement jamais connus sans la radio du net. We'll be right back. MillenniumMusic.com, un nouveau regard sur le monde musical numérique. Vous désirez vous faire connaître, vous faire aider, contactez-nous. MillenniumMusic.com. Voilà, c'était Mélatonine qui nous a fait l'exclusivité d'un interview pour la sortie de son premier album. On continue avec Time Bomb. Time Bomb qui est un groupe qui existe depuis environ 4 ans, privilégiant les morceaux courts, bruts, dont le hardcore tient également une place assez importante. Ils ont fait quasiment 3 ans de prestations live avant de pouvoir enregistrer leur premier CD 5 titres tiré à 500 exemplaires. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées du groupe sur... Ah, pardon, excusez-moi. Téléphone. Attends, je décroche, Vas-y, Christophe, décroche. Oui. C'est qui? Oui. C'est qui? Ah, bonjour, monsieur Time Bomb. Oui. Hein? Qu'on arrête de raconter des conneries. Oui, bien sûr, oui. Qu'on lance le disque tout de suite. Bah écoutez, on le fait tout de suite. Hein. Mais il se fait... www.synthesaver.com. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. C'est votre musique. Se déchire, l'amour ne voulant pas venir. www.sinsaver.com. Sinsaver.com. C'était Scanvox avec Circus. Scanvox, des infos? Bah oui, on va se gêner, tiens. Scanvox, ils sont 4, 2 filles, 2 garçons. Avec, à noter, une batteuse. Oh, fallait le préciser. Oui, oui, oui. 2 filles, 2 garçons, c'est plus pratique. Hein. Bon, bah ils sont de la banlieue nord de Paris. C'est l'histoire classique des jeunes groupes. Hein. Les petites annonces, les compos, la perte de membres. Mais ils n'ont pas été découragés, ils ont persévéré. Et puis aujourd'hui, leur projet, c'est un mini-album qui est en préparation. Quand même, on peut voir leur site et écoutez leur adresse sur le www.sinsaver.com, toutes les petites coordonnées, le machin, les trucs, les bidules, vous êtes tranquille. Et puis une petite anecdote, tiens, bien croustillante, on va se gêner. Allons-y. Scanvox, on les a rencontrés il y a un peu plus d'un an, dans un pub, mais c'était une rencontre tout à fait impromptue. Et puis là, en fait, on vient de s'apercevoir qu'ils étaient dans notre prog et on n'était pas au courant. Belle surprise. Et puis si jamais ils écoutent l'émission, on leur fait un petit coucou, quoi. Spécial dédicace pour exactement, spécial dédicace. J'espère que vous avez aimé cette troisième édition du www.sinsaver.com, donc l'émission du mois d'avril. On se retrouve pour la prochaine émission le 1er mai à 20h comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas. Attends, c'est la fête du travail, on travaille pas le 1er mai. Que tu crois, sur le www.sinsaver.com, on est toujours à la page, hein. on est toujours au boulot, nous. Hein. Toujours là pour remettre des infos, des news, tout ça à l'heure. Voilà, tout ce que vous pouvez donc découvrir sur le site internet. Donc n'hésitez pas, d'ici la prochaine émission, à nous adresser vos cassettes, à nous envoyer des emails pour nous dire, on est là, nous aussi on fait de la musique et on aimerait bien passer dans votre émission. Laurent, le mot de la fin? Le mot de la fin, au revoir et merci à Christophe d'être venu surtout. C'est pas un mauvais mot ça. Hein, je vous en prie, ça m'a fait plaisir. Fabien, salut. Au mois prochain, salut à tous. Sur sinsaver.com, vous pouvez retrouver du rock, de la disco, du groove, de la dance, de la house, du rap. Mais sinsaver.com, c'est votre musique.